pas. Souffle sur nous ton esprit, déverse ta puissance dans l'église, que ta gloire s'élève jusqu'aux cieux. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous ton esprit, déverse ta puissance dans l'église, que ta gloire s'élève jusqu'aux cieux. Surviennent des batailles, donne à ton peuple la victoire. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Quand rôde l'ennemi, cherchant qui dévorer. Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Par ton sang, Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire et le pouvoir de vaincre l'ennemi. En ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. Et vous, peuple du Seigneur, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahvé, votre Elohim, car il vous enverra l'averse en son temps. Je vous enverrai l'averse de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélec, le hazil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de Yahvé, votre Elohim, qui aura fait pour vous des merveilles. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu de vous, moi Yahvé, votre Elohim, et pas un autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon souffle sur toute chair. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. Quand surviennent les batailles, donne à ton peuple la victoire. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Quand rôde l'ennemi, cherchant qui dévorer. Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Ton sang, Jésus-Christ,